soir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1859, Charles Darwin publie L'origine des espèces. Le calme du lieu est trompeur. Une belle demeure dans la campagne anglaise, un jardin fleuri, des enfants qui jouent au croquet. C'est dans ce cadre idyllique, loin du tumulte de Londres, que vit et travaille le naturaliste Charles Darwin avec sa famille. Darwin, observateur minutieux de la nature, est un savant estimé de ses confrères. Mais il l'ignore, cet homme tranquille, pieux, qui tous les soirs au coin du feu joue au tric-trac avec sa femme, cet homme travaille en secret à une nouvelle théorie qui, il s'en doute, va révolutionner la science. Mais sa théorie de l'évolution des espèces qu'il commence à élaborer en 1839, Darwin mettra 20 ans à la publier. Ses idées lui semblent à lui-même si explosives, si effrayantes, qu'au début, il n'ose même pas les noter par écrit. 3 ans plus tard, pour la première fois, il en rédige un bref résumé et encore au crayon. Et si enfin, en 1859, Darwin se résout en hâte à publier sa théorie, c'est parce qu'il redoute qu'un autre savant ne le devance. Et comme il le pressentait, la publication de son livre « L'origine des espèces » va provoquer un véritable séisme. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Claude Amezen, bonsoir. Bonsoir. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien. Vous êtes médecin, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique et producteur de l'émission Sur les épaules de Darwin qui a fêté ses 10 ans en septembre dernier. Ainsi, un jour, vous avez choisi ce titre d'émission. C'est parce que j'imagine ce savant, cet homme aussi, puisque c'était un homme en chair et en os. Charles Darwin, c'est celui qui vous inspire le plus. Le thème, l'idée de l'émission, c'est sur les épaules des géants. Et Darwin fait partie de ces géants. Et en particulier dans les sciences du vivant, je pense que c'est le plus grand, en tout cas dans l'émergence des sciences du vivant modernes. Mais il y a non seulement pour moi celui qui a révolutionné la conception que nous avons du monde vivant, mais il y a aussi un jeune homme qui, alors qu'il parcourt le monde, qui fait le tour du monde dans un voyage qui dure près de 5 ans, à bord du Beagle, découvre aussi des réalités humaines qui le révoltent. Et il y a donc non seulement le grand scientifique, mais le Darwin moral, le Darwin qui a une réflexion éthique et qui est révolté par l'esclavage qu'il découvre au Brésil, par le racisme et par les ravages de la colonisation qu'il découvre en particulier dans les îles, et en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et donc, il y a à la fois ce jeune homme qui va faire émerger en lui cette théorie révolutionnaire, et celui qui a cette pensée morale qui aboutira au fait que, ayant découvert que nous sommes une émergence tardive et aveugle d'une évolution qui ne nous a pas prévue, et donc il n'y a pas de projet qui est attaché à l'émergence de l'humanité, pour lui, ce qui compte, c'est que nous inventions notre projet. Et ce projet, pour lui, est un projet moral qui consiste à aider les plus faibles, à coopérer, à faire œuvre de sympathie. Et puis, il y a un côté émouvant dans Darwin, et en particulier dans le jeune Darwin, qui ne sait pas très bien ce qu'il va devenir, oui, qui a commencé des études de médecine à 16 ans, mais qui les arrête parce que la vue des dissections et des opérations sans anesthésie le trouble. Comme il ne sait pas ce qu'il va faire, son père lui propose d'étudier la théologie. Il étudie la théologie, mais ça ne le passionne pas non plus. Et d'un seul coup, ce qui va le passionner, c'est les voyages. Et son héros, l'un de ses héros, c'est Alexandre von Humboldt, qui est le plus grand explorateur de son temps. Et donc, il va se mettre à rêver de partir dans les Canaries, à Tenerife, là où a été la première escale de von Humboldt. Et ça va être ce rêve qu'il ne pourra pas réaliser. Et puis, son professeur Henslow va d'un seul coup lui dire qu'il peut pas partir avec lui, mais que il y a une place comme naturaliste et compagnon du capitaine sur le Beagle, et que Henslow l'a recommandé. Et Darwin va partir. Et le Darwin qui embarque, qui a fait ses études de théologie, est un Darwin qui croit à la théologie naturelle, c'est-à-dire au fait que les espèces vivantes ont été créées par le Créateur. Et donc ce jeune Darwin, fasciné par l'exploration du monde, fasciné par la nature, fasciné par la théologie naturelle, va d'un seul coup découvrir des choses qui vont non pas lui apporter une réponse, Et le questionner. Qui vont l'amener à se questionner. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça n'est qu'à son retour en Angleterre, les discussions qu'il a, les lectures qu'il a, que d'un seul coup, toutes ces questions, tout ce qu'il a découvert, va se cristalliser sous forme d'une théorie. Et donc, très vite, dans les 2 ans après être rentré d'Angleterre, il commence des carnets secrets. Et dans ces carnets secrets, en 2 ans, il va élaborer la théorie de l'évolution. Merci Jean-Claude Amezen. Je propose qu'on poursuive tout à l'heure ces discussions passionnantes dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1859, Charles Darwin publie L'origine des espèces, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, réalisation Pascal Deux. Je n'entends plus les enfants jouer. Voyons, quelle heure est-il? Mais oui, l'heure du déjeuner. Allons les rejoindre. J'irai voir la serre plus tard. Cette journée splendide ne suffit pas à calmer le conflit qui me ronge. Tous mes travaux, je n'y peux rien, vont dans le même sens. Les espèces évoluent. Ce n'est pas possible autrement. Le monde du vivant est régi par la lutte pour la survie. Seuls survivent ceux qui s'adaptent à leur environnement et à ses changements. Comment prouver et présenter cette sélection naturelle qui n'obéit à aucun plan divin mais se fait au hasard, sans faire scandale, sans insulter Dieu et la religion? Rien qu'en l'énonçant en mon fort intérieur, j'ai l'impression d'avouer un meurtre. Angleterre, septembre 1854. À 45 ans, Charles Darwin a quitté Londres depuis 12 ans avec son épouse, Emma et leurs enfants pour la campagne du Kent, à Down House. Choyé par Emma, femme pieuse à l'intelligence fine, passionnée de politique, Darwin travaille depuis plus de 15 ans à trouver une loi permettant d'expliquer la théorie de l'évolution des espèces. Isolé, heurtant de plein front le dogme religieux selon lequel Dieu a créé les êtres vivants parfaits, Darwin travaille presque en secret. Depuis Down House, il a réussi à se construire un précieux réseau de correspondants qui lui envoient depuis tous les endroits du globe des spécimens dont l'étude des caractéristiques propres renforce ses théories et des réponses aux très nombreuses questions qu'il leur pose et ne cesse de se poser à lui-même. Tu viens de recevoir quelque chose ? Oui, Emma. Cette caisse vient d'Australie, de Nouvelle-Galles du Sud. De la part de Sims Covington, mon assistant sur le Beagle. Sims? Oui, ce brave Sims, tu sais. Il m'avait capturé les 14 types de pinsons différents Galapagos. Il avait à peine 16 ans. Ah, je me souviens, oui. Mais il n'est pas naturaliste, ce jeune homme? Non, pas du tout. Il a ouvert une auberge. Mais il n'est plus si jeune que cela. Lui aussi a maintenant, 20 ans de plus. Et il t'envoie un repas? Moqueuse. Mais non, je lui avais demandé de chercher et de récolter là-bas des cirripèdes. Mais son envoi est un peu tardif. J'ai pratiquement fini mon étude. Peut-être a-t-il trouvé des individus intéressants. Les fameux cirripèdes. 8 ans que tu étudies ces crustacés. Je ne pensais pas que ça durerait autant. Mais tu peux pas savoir à quel point leur étude m'a été précieuse. Une lettre. C'est formidable de recevoir une lettre qui a parcouru quoi, 20 ou 25 000 kilomètres. Que dit-il? Alors, il va bien. Il a récolté de nombreux spécimens dans la baie Twofold, dans le Pacifique. Certains semblaient vivants, d'autres étaient fossilisés. Beaucoup lui ont semblé de types différents et il est persuadé que ça me sera utile. Eh bien, en attendant, cela nous fait une caisse supplémentaire. Elle va pouvoir rejoindre les autres dans la pièce où s'entassent tout ce qu'on t'envoie. Merci, Emma. Supporter la vie monotone que t'offre ton vieux mari, grincheux et malade, en gardant toujours cet enthousiasme. Et où as-tu vu que ma vie était monotone? Tu as ton travail, mais moi j'ai la paroisse. Aujourd'hui, je me suis occupée de la pension de ce pauvre Michael Head et j'ai visité Mrs. Weller. Et je profite des enfants. Tiens, tu me rappelles que j'ai promis au pasteur de vérifier les comptes de l'école pour la fin de la semaine. Il m'a demandé si je savais exactement sur quoi tu travaillais. Ah. Et qu'as-tu répondu ? Je ne lui ai pas dit que tu pensais que Dieu n'avait pas créé les êtres vivants tels que la Bible nous l'enseigne. Tu as très bien fait. Je crois que la Bible sur ce sujet parle par métaphore. On peut prouver que le Créateur gouverne par loi plutôt que par l'entremise de miracles définitifs. C'est comme cela que la sélection naturelle, compatible avec les Écritures, n'agit que pour le bien des individus et les aide à tendre vers la perfection. Mais c'est une idée un peu nouvelle. Il ne faut pas l'ébruiter. Dieu n'est que bienveillance. Il réunira dans la vie éternelle tous les êtres qui se sont aimés sur terre. Charles, nous retrouverons dans l'au-delà nos petites Annie et Mary parties trop tôt. Les souffrances et les maladies n'existent que pour élever nos esprits. Tu ne crois pas ? Mais oui, ma chérie, bien sûr. Je crois en Dieu. Moins bien, mais autant que toi. Un monde sans Dieu, où la mort serait le néant, n'est pas possible. Cette vision des choses renforce les radicaux et les athées. Sais-tu que certains utilisent l'idée d'évolution des espèces pour critiquer notre monarchie ? En fait, sous prétexte de lutter contre les injustices, ils veulent une révolution. Je suis bien loin de ces vues de l'esprit, rassure-toi. Je suis fidèle à la reine, et à ma façon, je défends l'idée qu'il y a un créateur. Ce sont des déviants. Tous les êtres humains doivent vivre correctement et eux proposent le chaos. Allez, jette-toi sur tes cirripèdes du bout du monde. Tu en meurs d'envie. Oh oui. Et connaissant Covington, il y aura sûrement des choses intéressantes. Moi, ça, de toute évidence, c'est un balanomorpha. Voyons sa muraille. Oh, intéressant. Très intéressant. Amuse-toi bien. On viendra te chercher pour le dîner. Mon cher Sims, je suis ravi que ta nouvelle vie au bout du monde te plaise autant. Et quel cadeau tu m'as fait ! Un cirripède d'un genre dont un seul exemplaire au monde était connu, conservé au British Museum. Grâce à toi, le deuxième volume que je consacre à ces affreuses bestioles que j'ai achevé aujourd'hui même sera aussi complet que possible. Je vais désormais pouvoir... Est-ce que je peux m'ouvrir à lui de ma théorie ? La plupart des naturalistes eux-mêmes y sont opposés. Sans parler de ceux qui guettent mes publications pour me traiter de mauvais chrétien. Non. Mon cher Sims, je vais désormais pouvoir passer à nouveau du temps avec les enfants. Bien à toi, Charles. Le jour même où il achève sa somme sur les cirripèdes, Charles Darwin reprend ses travaux sur les espèces. Reconnu pour ses publications antérieures, le reclus de Down House ne s'ouvre de l'évolution qu'à certains scientifiques amis, comme Charles Lyell, président de la Société de géologie, et surtout Joseph Dalton Hooker, un des plus grands botanistes de son temps. Dans l'Angleterre victorienne, où les plus grands scientifiques sont parfois membres de l'Église, ses amitiés sont précieuses. Même si ses amis ne partagent pas ses idées, ils l'encouragent à poursuivre ses travaux. Ils l'informent aussi de la violente hostilité qu'elle déclenche chez leur père, avec à leur tête Samuel Wilberforce. L'évêque d'Oxford, esprit brillant et orateur redoutable, chapelain du mari de la reine Victoria, est aussi un naturaliste reconnu qui assimile toute pensée évolutionniste à une hérésie dangereuse. Un jour de 1856, Wilberforce et Joseph Dalton Hooker se retrouvent dans les serres des célèbres Kew Gardens, un des plus grands centres botaniques du monde, à l'ouest de Londres. Professeur Hooker, je vous félicite de votre nomination à la tête de ce joyau botanique. Il ne pourrait être en de meilleures mains. Nous veillerons à enrichir le plus possible ce trésor, monseigneur. Je voulais en profiter avant de rentrer à Oxford. Nous ne vous voyons plus beaucoup à l'Académie des sciences. Je me consacre beaucoup à l'évêché et à Sa Majesté, naturellement. Et vous, j'ai entendu dire que vous voyez beaucoup Darwin. Je me rends de temps en temps à Downhouse. Comment est sa santé? Il a encore régulièrement des crises de vomissements, de douleurs à l'estomac, et peut rester des semaines allongé. Sa femme me dit qu'aucun médecin n'a d'explication. Quand la crise est passée, il peut se remettre à travailler. Quelle pitié. Oui, c'est bien triste. Dites-moi, ses travaux ne le mènent pas à étudier ces idées d'évolution que ce fou de Lamarck propageait autrefois, j'espère. Vous savez bien qu'il considère comme absurde Lamarck et ses idées de volonté animale qui pousseraient les individus et les espèces à modifier leur caractère. Il est intéressé par ces histoires de changement, tout de même. Ne pensez-vous pas que l'idée d'une transformation graduelle des espèces mérite d'être étudiée? Réfutée, Hooker. Simplement réfutée. Il ne faudrait pas que Darwin s'imagine que la médaille royale de l'Académie qu'il a reçue pour son œuvre sur les cirripèdes l'autorise à aller contre le bon sens, ses vieux maîtres et la Bible. Peut-être est-il possible de... De quoi? D'étudier les disparitions de certaines espèces et de s'interroger sur les différences de caractère entre celles qui ont disparu et les autres. C'est ce que vous faites ici, non? Recenser et classer tous les végétaux du monde entier pour faire avancer la science. Vous disposez d'un outil magnifique et effectuez une noble tâche. Gardons-nous des élucubrations dangereuses et de conclusions qui contrediraient ce qui est tel que nous l'avons appris et l'enseignons à notre tour. Monsieur Hooker, vous êtes déjà là. Entrez donc. Vous avez fait bon voyage? L'idée de passer ces deux jours chez vous a fait de ces quelques kilomètres depuis Londres un moment délicieux. Je vous conduis à Charles. Ça va être l'heure de la promenade. Laissez vos bagages ici. Davis va s'en occuper. Oui, ma chère, entre. Allez-y. J'ai presque fini, Emma. Nous allons pouvoir continuer à lire David Copperfield avec les enfants. Excellent choix. Hooker, mon cher ami. Désolé, je compromets votre agenda. Nous sommes déjà le week-end. Je m'y perds avec toutes ces journées qui se ressemblent. Quelle heureuse surprise. Venez, nous allons pouvoir profiter de la lumière du Sandwalk, mon sentier préféré. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? La multitude de variations dont peut disposer la sélection naturelle. J'ai dû renoncer à mon hypothèse selon laquelle il y a peu de variations dans une population exposée à des conditions de vie stables. En réalité, l'action de la sélection naturelle engendre un niveau très élevé de diversité, y compris dans un environnement stable. C'est encore plus compliqué que je ne le pensais. Et vous pouvez l'expliquer ? L'illumination m'est venue récemment. En exploitant au maximum les ressources, par définition limitées, les espèces survivent en se divisant en plusieurs espèces. Et je suis persuadé que cette division est liée aux pressions écologiques qui pèsent sur elles. Chaque variété s'adapterait à une particularité de son environnement et évoluerait, développerait des organes spécifiques. Ce qui explique la divergence des espèces. La lutte pour la vie, la sélection naturelle seule ne peuvent l'expliquer ni la justifier. Pour le prouver, il me faut établir que cette divergence atteint son plus haut degré là où la compétition pour les ressources est la plus élevée. Le plus haut degré de difficulté, le plus haut niveau d'adaptation. Évidemment. Condition indispensable pour survivre. Ce qui est étonnant, c'est que cette idée ferait écho au concept de division du travail qu'Adam Smith a théorisé pour sa fabrique d'épingles. Je vois. Vous voyez une analogie entre la théorie économique de Smith, selon laquelle le travail est plus productif si chaque individu effectue une tâche particulière plutôt que de fabriquer entièrement le produit, et la diversification des espèces liée à leur occupation de niches écologiques nombreuses et différentes. C'est amusant, vous ne trouvez pas? Mais voyez-vous ce qui m'inquiète? Ce sont les conséquences de ces découvertes, si j'arrive à les prouver. qu'il est strictement impossible de s'en tenir au plan établi de création des espèces. Dans ce nouveau modèle, la lutte pour l'existence et la pression pour disposer des ressources ne connaissent strictement aucun répit. C'est prodigieux. Alors, prétendre que les êtres existent tels qu'ils sont car Dieu l'a décidé... Il y a 12 ans, je vous écrivais ma conviction que les espèces n'étaient pas immuables et que cela me donnait l'impression d'avouer un meurtre. Au regard des théories officielles, je suis encore un criminel en puissance. Moi, l'homme le plus civil du monde. Mais puis-je renoncer à ce que me démontre la science au motif que cela réjouit les athées ? Il est certain que le révérend Sedgwick, l'évêque Wilberforce et nos anciens maîtres s'étrangleraient en vous écoutant. Mais il vous faut des preuves. Si je les trouve, ce sera grâce à vous. Vous élaborez ce modèle à partir des végétaux que je vous envoie depuis des années ? Non. À partir de votre scepticisme depuis 12 ans, à la lecture de ma première ébauche. Je ne suis plus sceptique. Plus du tout. Vous m'avez montré qu'on peut s'attaquer à la question des espèces sans en avoir décrit minutieusement un grand nombre. C'est pourquoi j'ai étudié des milliers de spécimens qui m'ont permis de mettre en lumière comment leurs différents types ont pu se former et où chaque stade du développement a dû être utile à un moment précis. Cette méthode de raisonnement historique est complètement nouvelle. Enfin, j'ai donc moi aussi, à ma façon, été utile. Indispensable, mon cher. Et par votre discrétion aussi, en me présentant vos confrères les moins attachés à un créationnisme dogmatique, vous m'avez aiguillonné et poussé à ces travaux qui sont loin d'être finis. Combien de temps vous est nécessaire pour achever votre théorie ? J'ai besoin de 2 à 3 000 pages. Raisonnablement, je pense que 4 années suffiront. Si vous en prévoyez 4, avec votre perfectionnisme, on peut s'attendre au double. Hooker, je vous ai demandé de venir pour développer mon optimisme et pas pour le saborder. En attendant, je vous en prie, conservez la discrétion dont vous avez su faire preuve jusqu'à maintenant. Je ne m'ouvre de vos hypothèses qu'à des esprits sûrs, même maintenant. C'est mieux. Le jeune Huxley, par exemple, est tout à fait intéressant. Oui, il abandonne peu à peu son scepticisme initial. Tout comme vous. Ah, je vous comprends. Moi-même, je suis au fond de moi assez angoissé des conséquences possibles de la publication de ma théorie. Mais je n'ai plus le choix. Je dois la rendre publique. Mais un événement va bouleverser ses plans. Engagé pour de longues années dans la rédaction d'un traité de plusieurs milliers de pages destiné à exposer sa théorie de l'origine des espèces à ses pairs, Charles Darwin voit subitement son projet menacé par un essai de quelques pages. Le 18 juin 1858, un jeune confrère en marge du système, Alfred Wallace, lui adresse un article argumenté aux conclusions proches des siennes. Il faut que Hooker et Huxley se pressent d'arriver et me disent quoi faire. Si près du but, 20 ans de travail sont menacés d'être réduits à néant. Je suis à la croisée des chemins. Un parcours entamé il y a 27 ans, je me souviens, le 7 décembre 1831. Je quittais Plymouth et la Grande-Bretagne pour la première et dernière fois de ma vie à bord du Beagle. Un voyage censé durer 2 ans qui durera 5 ans en réalité. Je ne connaissais rien du monde. Ce furent 5 ans d'émerveillement devant la beauté et la diversité de la nature, foisonnante, sauvage, inattendue. Est arrivée l'étape décisive, les Galapagos. Cet archipel volcanique et sauvage qui pour moi évoquait la Terre au lendemain de la création. Si j'avais pu imaginer la révolution que mes recherches allaient produire en moi depuis ma cabine du Beagle. Vous m'avez fait demander, monsieur ? Oui, Sims. Ça va mieux ? Oui, merci. Excusez-moi pour tout à l'heure, il faisait si chaud, j'avais l'impression d'être aux portes de l'enfer. Je te comprends. La chaleur était insoutenable. Tu sais, le volcan était en éruption il y a encore très peu de temps. Eh bien, je suis bien content qu'on quitte enfin les Galapagos. Tiens, assieds-toi. Et prends un petit verre de gin, tu l'as bien mérité. Merci. Dessiner l'oiseau que je vous ai capturé? Je dessine tous les oiseaux que tu as capturés, et pas seulement ceux dont je suis incapable de définir l'espèce. Parce qu'ils sont jolis? Non. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'existent que sur cet archipel. Ah oui? Le faucon, l'hirondelle, les pinsons, on ne les trouve qu'ici. Pour certains, on dirait. Je vous en ai capturé plein des pinsons. Précisément. Est-ce que tu te souviens sur quelle île exactement tu as capturé chacun d'entre eux? Non. Un pinson, c'est un pinson, je me souviens plus trop. Le dernier, si. Il vient de l'île James. Les autres, il faut que je réfléchisse. Ça vous embête si je me souviens pas? Je ne sais pas. En les regardant de plus près, je me suis aperçu qu'ils étaient tous différents. Il y a les noirs et les marrons. Ça, ce sont les mâles et les femelles. Les noirs, ce sont les mâles, et les bruns, ce sont les femelles. Non, ce qui est intéressant, c'est leur bec. Ah oui. Certains ont l'air plus gros que d'autres, mais il faut vraiment regarder de près. Ça veut dire quelque chose? Regarde, j'ai commencé à les dessiner tous. Ah oui. En dessin, on voit drôlement la différence, plus qu'en vrai. Dans cette espèce, on voit une parfaite gradation de la grosseur des becs. Depuis celle du bec d'un gros bec jusqu'à celle du bec d'un pinson, précisément. Et entre les deux, il n'y a pas qu'une seule grosseur intermédiaire, mais six. Ce qui veut dire que ce sont des espèces différentes. Comme pour les tortues, alors? Exactement. Et c'est pour ça que ce serait bien si tu te souvenais sur quelle île tu as capturé chaque spécimen. Celui qui vient de l'île James a un gros bec. Et il y a des arbres à noix sur cette île. Sur d'autres îles, ils ne poussent que des plantes à graines. Et je me dis qu'il serait plus utile pour les oiseaux de ces îles d'avoir un bec plus fin. Et un gros bec s'il y a des noix. Si vous le dites, monsieur, c'est que c'est vrai. Tu vois, cet archipel est comme un monde à lui seul. Repense aux coulées de lave. À une époque géologiquement récente, l'océan s'étendait là. Et depuis, tout est arrivé. Un curieux pays. Les tortues géantes se laissent monter dessus sans nous attaquer. Les oiseaux ont l'air d'être apprivoisés. On fait tomber un faucon d'une branche avec un bâton. Et chaque île est peuplée d'animaux qui varient de l'une à l'autre, comme s'ils s'adaptaient aux particularismes de chacune. Sur ces sols qui m'évoquent l'ère secondaire, ces tortues donnent l'impression de dater d'avant le déluge. Et les lézards, les iguanes. Nous sommes ici face au mystère des mystères. La première apparition de nouveaux êtres sur la Terre. Le moment de la création? Bien sûr. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? 27 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Huxley, t'as failli être en retard. Un trafic insensé. J'étais furieux à l'idée que j'allais rater cette invitation. Mets ta valise là-haut. T'as déjà pris ce train? Non. Non, ça y est. Je fais partie du club. Nerveux à l'idée d'aller chez Darwin? Agité. Toi, tu es un habitué, tu es blasé. Moi, c'est la première fois. Darwin me connaît et m'invite chez lui. Que penses-tu de l'article de Wallace que je t'ai demandé de relire? Tu l'as fait, hein? Oui, je l'ai juste là. Sur la loi qui a régi l'introduction de nouvelles espèces. Septembre 1855. Ça a presque 3 ans, déjà. Pourquoi Darwin veut-il qu'on le relise? Apparemment, il a reçu un nouvel article de Wallace qui l'inquiète. Il devrait plutôt se réjouir. Wallace est proche de ses idées. Par les temps qui courent, ça peut être utile. Et la première fois qu'il t'a parlé de ce vieil article, il t'a dit rien de nouveau. Pourquoi est-il inquiet tout à coup? Je n'en sais pas plus. Il m'a demandé de le relire et de venir à Dunhouse dès que possible avec toi. Jeune et brillant lauréat de la médaille royale de l'Académie des sciences. Le spécialiste indiscutable des invertébrés marins. Il t'admire beaucoup, tu sais. Non. Tu le connais, toi, Wallace ? Comme tout le monde, je sais que c'est un simple naturaliste amateur, assez reconnu quand même, qui gagne sa vie en vendant des spécimens aux collectionneurs. Il a longtemps vécu dans la forêt amazonienne, maintenant il est en Asie. Dans l'archipel malais, je crois. C'est vrai qu'il a survécu à un naufrage ? C'est ce qui l'a rendu célèbre, en tout cas. Le fils caché de Barbe Noire et de l'Encyclopédia Britannica. En tout cas, dans cet article, il s'exprime clairement, le frère de la côte. 12 pages à peine, il rend accessible l'idée qu'une nouvelle espèce apparaît toujours dans une zone déjà occupée par une espèce apparentée. Même s'il ne l'explique pas et ne le dit même pas, les implications évolutionnistes sont évidentes. Et c'était il y a 3 ans. Et il utilise déjà la même métaphore que Darwin, celle de l'arbre à ramifications multiples, pour présenter les relations entre les espèces. Alors que Darwin n'en a parlé qu'à moi et à 1 ou 2 autres. Comment est-il arrivé à cela ? C'est assez incroyable. Ce qui montre que les flibustiers peuvent avoir des inspirations géniales. Arrête de plaisanter. J'espère que ça ne desservira pas Darwin. Ben non. Il travaille toujours à son traité. Quand sa santé le lui permet. Il va mieux depuis quelque temps. Heureusement pour lui. Car j'en connais qui attendent qu'il bouge une oreille pour le tirer comme un lapin. Un lapin évolué, bien sûr. Bon, promets-moi de ne pas faire ce genre d'humour devant lui. On ne peut pas savoir comment il le prendrait. Mon cher Hooker, je risque d'avoir les genoux qui flageolent tellement face au grand homme que je ne suis même pas certain de pouvoir lui dire simplement bonjour. Hooker, merci d'être venu si vite. Comment allez-vous ? Merci d'être venu aussi, professeur Huxley. Voilà. J'ai besoin de m'ouvrir à vous d'un problème. D'abord, avez-vous relu l'article de Wallace ? Oui, bien sûr. Huxley, dis quelque chose. Oui, mais bien l'article de Wallace... Depuis sa publication, j'entretiens avec Wallace une correspondance. Le 18 juin dernier, il m'a adressé un essai de quelques pages. Eh bien, suite à ses explorations en Océanie, Wallace, en poursuivant une logique qui lui est propre et qui est en germe dans l'article que vous avez relu, Wallace arrive à la même conclusion que moi concernant la transformation des espèces. Ah ? Oui. C'est un travail sérieux, documenté, qui me devance sur beaucoup d'aspects de ma propre théorie. En fait, Wallace l'expose tel que je pourrais le faire. C'est saisissant et démoralisant. Au bout de 20 ans de travail, et quoi que vaille l'originalité de mes travaux, je peux me faire coiffer au poteau par un naturaliste plus jeune que moi de 14 ans. Mais vous avez l'antériorité. 20 ans. Ça fait 20 ans que vous travaillez à la théorie des espèces. Mais disons 20 ans que j'en ai l'intuition. Depuis mon voyage sur le Beagle, à l'époque où on raillait ma lecture stricte et littérale de la Bible et ma manie d'y trouver la justification morale de tous mes actes. Alors qu'aujourd'hui, les anticléricaux radicaux et les athées n'attendent que de me soutenir. Là n'est pas la question. Qu'allez-vous répondre à Wallace ? Qu'il doit publier son article. Je n'ai pas le droit de saboter le travail d'un confrère. Et qu'il a été plus rapide que moi ? Non, il est forcément moins avancé. J'ai une idée. Arrangez-vous pour que son article soit publié accompagné d'un extrait de votre travail qui montre son antériorité. Et désolé pour votre perfectionnisme, mais vous devez publier le plus rapidement possible un extrait de votre traité suffisamment clair et détaillé. Sinon, Wallace restera comme le père de la théorie de l'évolution. Un extrait. Pourquoi pas ? Votre avis, professeur Huxley ? De toute évidence, il est d'accord. Oui. Convaincu par ses confidents, Lyell et Hooker, Charles Darwin consent à présenter sa théorie sous forme de résumé. Sa course contre la montre l'entraîne à la publication, le 22 novembre 1859, de l'Origine des espèces. Alors qu'il est en cure à Hickley, Darwin apprend, stupéfait, que les 1250 exemplaires se sont tous vendus le jour même de la sortie. C'est une véritable bombe qui vient d'éclater et le grand public se passionne pour la controverse qui s'ouvre entre savants. La British Association, dédiée au développement et à la promotion de la science, organise un débat entre les deux parties lors de sa session annuelle le 30 juin 1860. Darwin étant malade, ses amis Hooker et Huxley le remplacent. Ils affrontent dans la bibliothèque du musée zoologique d'Oxford le redoutable Samuel Wilberforce, qui pendant 30 minutes, avec un esprit inimitable, attaque le travail de Darwin. Alors ce serait la théorie, indiscutable, une révélation peut-être. Alors que Darwin admet l'absence de formes de transition entre les espèces connues, il me sembla qu'une théorie de la transmutation des espèces excluait l'idée de coupure entre les espèces. Si, la transmutation est un processus divergent et ramifié. Mais enfin, tout cela est anti-philosophique. Au final, que reste-t-il de cet ouvrage ? Un immense éclat de rire. Un grand chagrin, plutôt. Et la colère de voir l'un des nôtres s'égarer, s'accrocher à des idées fausses, nuisibles. Comme je vous l'ai démontré, les principes d'évolution et de sélection naturelle sont absolument incompatibles avec la parole de Dieu. Et je me félicite que tous les vrais naturalistes partagent ce fait. Il est redoutable. Il n'y connaît rien, mais il pourrait convaincre tous ces scientifiques avec sa langue. Allons, pas d'injures. Laisse-moi lui répondre. Monseigneur, votre exposé n'a finalement que peu à voir avec notre sujet. Nous parlons de science, vous répondez théologie. Nous ne sommes pas théologiens, Darwin non plus. En tant que naturaliste, admirons la rigueur de sa méthode. Il montre sa connaissance intime de toutes les hypothèses qui nous occupent depuis des décennies. De Lamarck à Wallace, toutes vont dans le même sens. Darwin va plus loin. Non, Darwin va trop loin, comme d'autres. Monseigneur Wilberforce, laissez le professeur Huxley s'exprimer. Merci. La théorie de la sélection naturelle est montrée de différentes façons, et la multiplicité des exemples la prouve de manière irréfutable. Moi-même, j'étais sceptique. Ce livre m'a bouleversé. Le mécanisme que Darwin a mis au jour convainc, je le sais, de plus en plus d'entre nous. Son absence de dogmatisme le mène même à reconnaître que nous manquons encore d'éléments de connaissance. S'il nous manque parfois des archives fossiles permettant de remonter complètement les chaînes, rien ne peut faire douter du principe même d'évolution des espèces. Je vous écoute, professeur Huxley, et je pense à toutes les créatures de Dieu qui, selon vous, ont des ancêtres imparfaits, ou moins évolués. Vous avez déclaré il y a 2 jours que vous ne voyez pas ce qui exclurait l'homme d'en avoir également, qui pourrait, par exemple, être des singes. De là, est-ce par votre grand-père ou votre grand-mère que vous descendez du singe ? Je préfère descendre d'un singe que d'un prélat instruit qui use de son pouvoir pour empêcher la science d'avancer. Mon ami, l'éminent professeur Hooker, va maintenant vous démontrer comment le darwinisme s'applique aux végétaux. Hooker prend la parole et démontre que Wilberforce n'a pas assimilé la théorie des espèces et ignore tout de la science botanique. Wilberforce reste muet et le combat s'achève par sa défaite. Encouragé par les exemples de Huxley et de Hooker, qui n'hésitent pas à rappeler leur opposition initiale aux idées de Darwin, un nombre croissant de savants les rallient, abandonnant peu à peu les théories créationnistes des vieux maîtres et des ennemis de l'ermite de Downhouse. C'est l'heure de ta promenade ? Oui. J'ai longuement prié ce matin. Pour toi, tes souffrances morales et physiques. Emma. J'ai pensé à ta patience, ta compassion pour les autres, ta gratitude à la moindre aide qu'on t'apporte, et à ton amour pour moi, quand tu avais peur que tes travaux ne me blessent. Voilà. J'avais besoin de te le dire. Oh, ma chérie, tu es la plus grande bénédiction de ma vie. Je ne suis pas un criminel. Le seul crime que j'aurais pu commettre, c'est de renoncer à la science. Mentir pour perpétuer une idée fausse, bien qu'elle soit une belle histoire. Je ne peux être tenu pour responsable de l'usage que d'aucuns feront de la théorie de l'évolution. Si chacun savait à quel point je regrette même d'avoir utilisé, pour ne pas choquer, le terme de créateur dans l'origine des espèces. Car il s'agit d'une apparition due à un processus que mes successeurs devront un jour découvrir. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai toujours été loyal et fidèle à mes principes. D'ailleurs, à bien y réfléchir, même si je suis arrivé à des conclusions opposées à celles qui m'habitaient à cette époque, suis-je si différent du jeune homme d'autrefois qui voulait devenir pasteur ? En 1859, Charles Darwin publie L'origine des espèces de Jean-Baptiste Sabiani avec Charles Darwin, Eddie Chignara, Emma Darwin, Valérie Moinet, John Dalton Hooker, Laurent Lederer, Samuel Wilberforce, Vincent Nemeth, Sims Covington, Quentin Barbosa et Thomas Henry Huxley, Bertrand de Rofignac. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Bernard Laniel et Antoine Espel, assistante à la réalisation Manon Dubu. Réalisation Pascal Deux. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Darwin et l'origine des espèces avec mon invité Jean-Claude Amezen. The Divine Chord par The Avalanches sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale, Thierry Dupin à la technique, Louis Audebert. Jean-Claude Amezen, comment expliquer que Charles Darwin ait mis si longtemps à rendre publiques ses idées ? De quoi avait-il peur ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il acquiert rapidement, après son retour en Angleterre, un statut de scientifique respecté, très bien considéré, et il a peur, les théories de l'évolution sont sulfureuses, et il a peur que sa théorie, la publication de sa théorie, porte atteinte à son statut de scientifique respecté. La deuxième raison, c'est qu'il est un perfectionniste, et que donc, il ne cesse de raffiner, de creuser, de penser sa théorie. Il voulait que ça soit absolument parfait. Donc c'est la deuxième raison. La troisième, c'est la peur des implications sociales, politiques, religieuses de cette théorie. indépendamment de sa validité scientifique. Et en lui-même, Darwin, comment fait-il pour concilier ses idées, qui sont quand même extrêmement révolutionnaires, nouvelles, avec sa propre religion, en fait? Qu'est-ce qu'il pense, en fait? Lui, il croit en Dieu, mais... Alors, voilà. Il perd sa foi. Ouais. Et il écrira à plusieurs reprises, et il donnera plusieurs raisons pour le fait qu'il a perdu la foi et qu'il est devenu agnostique. Ouais. Et l'une des raisons essentielles, je crois, c'est la réalisation qui l'habite et qui l'inquiète, que sa théorie de l'évolution du vivant présuppose une destruction massive des êtres vivants. En quelques mots, sa théorie, c'est que il y a des petites différences entre les enfants et leurs parents, et il y a des petites différences entre les enfants. Et le fait que ces différences soient petites, cette espèce de tremblement, était considéré comme une des preuves que les espèces ne s'étaient jamais transformées, puisque ça tremblait un peu. Pour lui, ces variations durant l'hérédité, c'est le moteur de l'évolution du vivant. La deuxième idée, c'est qu'il y a le plus souvent beaucoup plus de ressources disponibles pour donner naissance à des descendants qu'il n'y a de ressources pour ces descendants pour grandir et à leur tour se reproduire. Et que donc il y a énormément de petits dans la nature qui meurent à chaque génération, des graines, des petits animaux, etc. Et que les êtres qui, par hasard, sont un peu plus adaptés que d'autres à l'environnement qui est le leur, et qui, au bout d'un temps, va devenir changeant, eh bien, auront plus de probabilités de survivre et de se reproduire que les autres. Et donc, le fait qu'il y ait énormément d'individus à chaque génération dans la nature qui disparaît, a un côté pour lui qui est tragique. Non pas depuis le début de l'évolution de la vie, mais à partir, dit-il, du moment où l'évolution a donné naissance à des êtres, à des animaux, capables d'émotions et de conscience. Et donc, à ce moment, ce mécanisme d'une puissance extraordinaire qui fait émerger la splendeur de la diversité du vivant, ce qu'il appelle l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, a une composante de souffrance qui est tragique. Et ça va être une des raisons pour lesquelles il va perdre la foi. Parce que ce qui est émouvant pour lui, il l'écrit, un créateur ne peut être que bienveillant. Et donc, l'existence de ce phénomène qui produit la complexité et la diversité, mais qui broie un très grand nombre d'êtres vivants, lui semble incompatible avec l'idée d'un créateur. Donc il y a quelque chose qui est sa vision même de la vie, ça qu'implique la théorie qu'il a élaborée, va l'amener, pour des raisons affectives, à perdre la foi. Et c'est un peu comme s'il ouvrait la boîte de Pandore. Enfin, les conséquences que peuvent avoir ces idées sont infinies, évidemment, dans le domaine social et politique. Vous l'avez dit, Jean-Claude Amezen. Enfin, l'idée d'une sélection naturelle peut amener au pire massacre. Oui, alors les termes qu'il utilise sont des métaphores qui sont puisées justement dans la vie sociale. Sélection naturelle, il l'utilise pour qu'on comprenne qui a un rapport avec la sélection artificielle des éleveurs et des jardiniers, mais qu'il s'agit d'autre chose. Il est évident qu'il n'y a pas de sélectionneur dans la nature, il n'y a pas d'âme nature qui sélectionne. C'est un processus aveugle, c'est une loi naturelle, comme la gravitation, comme la théorie de la gravitation que Newton avait découverte, mais il lui donne ce nom de sélection naturelle pour qu'on comprenne que ça a un rapport avec ce que font les jardiniers et les éleveurs. Mmh. La lutte pour l'existence qu'il tire de Malthus, hein, d'un économiste et d'homme d'église, ça n'est pas, comme on l'a longtemps cru, ou comme on le croit souvent, ça n'est pas le combat entre les êtres vivants, c'est le fait que l'existence est difficile, et que donc, ce que doit faire une graine d'une plante pour survivre dans un lieu aride, eh bien, c'est une lutte pour l'existence. Et donc, utilisant des termes qui ont un rapport avec la société humaine et son comportement pour décrire des lois naturelles, eh bien, il y a d'autant plus de probabilités qu'ensuite ses successeurs ou ses contemporains utilisent de tels termes dans les conduites humaines. Oui, c'est le danger. Et donc se disent, puisqu'il y a une sélection naturelle, eh bien, il faut l'appliquer dans le domaine humain, puisqu'il y a une lutte pour l'existence, la compétition est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a ce malentendu profond qu'il décrit en fait un phénomène aveugle qui opère dans la nature, et que ces métaphores, les métaphores qu'il utilise pour le décrire ou pour le rendre plus compréhensible, seront source de malentendus et de tentative de l'appliquer aux affaires humaines avec des conséquences moralement désastreuses et tragiques. Dans les idées de Darwin, il y a aussi celle que finalement il n'y a pas d'origine ni de but dans la nature. Il n'y a pas de création, mais qu'il n'y a pas non plus de direction. Les choses évoluent sans origine, sans intention. Oui. Voilà, il y a des origines, il n'y a pas d'intention. Il y a des métamorphoses. Il y a une émergence de la complexité. C'est pas que les êtres sont mieux que d'autres ou meilleurs que d'autres. C'est simplement qu'il y a une émergence de la diversité et de la complexité. Il y a un foisonnement, mais il y a en effet ni finalité ni intention. D'où son souci que les humains et un projet moral. Et avec Darwin aussi, il y a l'idée peut-être que l'homme n'est pas au centre de l'univers, qu'il n'est pas supérieur. Ça, c'est une idée qui aujourd'hui nous parle avec le réchauffement climatique. Ce sont des choses que les hommes aujourd'hui doivent entendre et en tenir compte. Et ça, alors, c'est Darwin qui nous le dit aussi. Oui, alors, il ne le dit pas comme ça, mais ce que cette révolution darwinienne qui a un côté un peu déstabilisant. Freud disait qu'il y avait eu trois grandes blessures narcissiques de l'humanité. La première, c'était Copernic, qui avait dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais une petite planète périphérique qui tournait autour du Soleil. Et disait-il, il y avait Darwin, qui nous disait que nous n'étions pas le centre de la nature, mais que nous étions une émergence aveugle de l'évolution du vivant. Et donc, il y a ce côté déstabilisant, et qui, en effet, fait de nous un élément de la nature. Il y a quelque chose, je trouve, d'émouvant à côté de ce côté déstabilisant, c'est que Darwin nous a dit que nous n'étions pas, nous humains, entourés par un environnement naturel, mais que tous les êtres de la nature étaient nos cousins. Et donc que nous étions des cousins, des oiseaux, des arbres, des poissons. Et donc il nous a rapprochés de cette nature. Donc nous ne sommes pas au centre, elle ne tourne pas autour de nous, mais nous sommes au fond, dans notre famille. Et quand 60 ans après la publication de l'Origine des espèces, les astrophysiciens, influencés sans doute profondément par la théorie darwinienne, découvriront à leur tour que l'univers n'est pas fixe, comme on le pensait depuis longtemps et jusqu'au début du XXe siècle, mais qu'il n'a cessé de se transformer et de se métamorphoser de la même façon que le vivant, eh bien, nous deviendrons aussi les cousins et les descendants des étoiles. Donc, si vous voulez, il y a ce fait que nous sommes proches, à des degrés différents, de l'ensemble des composants de l'univers, mais il est évident que nous ne sommes qu'une partie. Merci beaucoup Jean-Claude Amezen. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres, notamment « Dans la lumière et les ombres »,« Darwin et le bouleversement du monde » chez Poinceuil, également « Sur les épaules de Darwin » en trois volumes, une coédition « Les liens qui libèrent » et France Inter, et bien sûr à écouter votre émission « Sur les épaules de Darwin » qui est en rediffusion le samedi à 16h. Autant n'importe l'histoire est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous ne changerons pas d'époque, le 19e siècle, mais nous serons à Paris en compagnie d'une femme qui est restée inconnue longtemps, Constance Quéniaud, danseuse à l'opéra, courtisane. Elle fut aussi la modèle qui posa pour Gustave Courbet, notamment pour son tableau le plus scandaleux. L'origine du monde, l'histoire du modèle, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.